Activité 34. 1. Salut, c'est Renaud. La réunion de demain est annulée. Est-ce que tu peux appeler le directeur ? Merci. 2. Bonjour, c'est Monsieur Lenoir. Je ne suis pas au bureau aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez appeler ma secrétaire pour un rendez-vous, s'il vous plaît ? Au revoir. 3. Bonjour, c'est Adrien Rousseau. Je ne trouve pas le dossier pour la réunion de cet après-midi. Est-ce que tu peux m'appeler ? C'est urgent.